Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de baseball. C'est les séries de championnat qui se mettent en branle ce soir dans la Nationale avec entre les Cards de Saint-Louis et également les Nationals de Washington. Et dans l'autre, ça va se mettre en branle demain entre les Yankees de New York et les Astros de Houston. Et on va faire une table ronde cette semaine avec nos collaborateurs baseball. D'abord, Marc Griffin du Réseau des Sports. Salut, Marc. Salut. Et Bruno Boudreau, notre collaborateur baseball. Salut, Bruno. Salut, Dan. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. On va commencer avec Marc. Marc, je vais commencer, étant donné que tu es un ancien de l'organisation des Dodgers, tu dois être un petit peu assommé de ce qui se passe avec les Dodgers de Los Angeles. Et question que je me pose là-dessus, est-ce que tu t'attends à un grand ménage? Je vais faire un parallèle avec ce qui est arrivé avec les Raptors de Toronto. Ça fait plusieurs années qu'on disait que les Raptors ont l'équipe pour aller loin, ils ont l'équipe pour aller très loin. Et finalement, avant que la fenêtre se referme, ils ont fait des modifications importantes. Ils ont congédié l'entraîneur de l'année, Dwayne Casey. Ils sont allés chez Kawhi un petit peu. Ils ont changé un peu la recette comme de quoi. Et ça a donné un championnat de la NBA aux Raptors. Est-ce que tu penses que du côté des Dodgers, c'est sûr que la fenêtre va toujours être ouverte avec les Dodgers puisqu'ils ont beaucoup d'argent, c'est Los Angeles, ainsi de suite. Mais tu t'attends à de grands changements? Non, je ne m'attends pas de grands changements. Honnêtement, d'ailleurs, on parle déjà qu'on va... on va garder Dave Roberts. Alors ouais. ça veut dire une chose, c'est que ce qui se passe dans l'organisation des Dodgers, malheureusement, n'est pas mené par Dave Roberts. C'est une des organisations, puis on l'a vu en série mondiale l'an dernier face aux Red Sox, c'est le deuxième étage qui décide. C'est le deuxième étage qui propose fortement. On laisse peu de marge de manœuvre à Dave Roberts. Alors, tu sais, il savait déjà que Kershaw l'ait lancé après Bueller. Alors, c'est pour ça que c'est une organisation qui fonctionne vraiment, là, en fait, la nouvelle façon de fonctionner du baseball. Ouais. Et dans ce cas-ci, c'est clair. Alors, on va reconduire tout ce monde-là, on va répéter. Même Kershaw l'a dit, puis bravo d'ailleurs, parce que il a quand même affronté tout le monde là vis-à-vis cette débandade. Et il a dit, ben écoute, l'année prochaine, on va retourner, puis on va travailler encore plus fort, puis on va trouver des solutions. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va marcher. Je m'attends pas à d'énormes changements du côté des Dodgers. Même si, à quelque part, l'enclos de relève, on a envoyé Jensen un peu trop tard? Non, il peut y en avoir des changements. Ouais. Je regarde ce que Joe Kelly a fait, là. Je pense que c'est assez clair que ça, c'est peut-être pas la meilleure décision qu'a prise l'organisation. Mais on déplacera pas des joueurs importants. On a une jeune équipe quand même. Tu regardes les gars qui traînent cette équipe-là, les Bellinger, les Walker Buehler. On a vu, même Russell n'a joué qu'un seul match. On a laissé toute la place aux jeunes receveurs. Seager qui devrait reprendre un peu du poil de la bête, puis qui avait raté une saison complète. Donc, on a une très jeune équipe sur laquelle on est capable encore, j'imagine, d'accrocher quelques joueurs ici et là pour permettre un retour l'année prochaine. Éventuel en série. OK. Bruno, toi, comment tu vois ça à Los Angeles? Est-ce que tu vois des changements importants? Ben, pas particulièrement. Je pense que Marc l'a bien mentionné, là, il y a des expériences qui n'ont pas donné fruit, là, comme Joe Kelly, même si on a vu sa fin de match qui était difficile, mais il y a eu une saison en dentille, il a été blessé. Donc, les acquisitions qu'on a fait en relève, puis on l'a vu aussi dans la série entre Atlanta puis Saint-Louis, les acquisitions des Braves, là, que ce soit Mark Melançon ou que ce soit Shane Green, les deux ont connu des ennuis. Donc, c'était des gros noms qu'on était allé chercher qui n'ont peut-être pas donné le rendement qui était escompté, puis c'est là que ça a fait mal. Souvent, c'est la différence quand les séries sont autant serrées entre les deux équipes. Ou ce que je peux voir, peut-être un changement, ça va peut-être être dans, l'attitude, d'urgence dans la série. Tu sais, dans le dernier match là, qu'on a retiré Walker Buehler, il y avait encore des munitions dans le cas de Buehler. Les Nationals n'avaient pas beaucoup de réponses, même si c'était le troisième tour au bâton. Mais c'est comme Marc l'a bien mentionné, c'est dans la mentalité de l'équipe de déjà dicter un peu à quel moment on va faire les choses. Et c'est un peu ce que les Nationals faisaient, par exemple, dans le passé avec un gars comme Stephen Strasburg. On se souvient qu'on l'avait empêché de lancer en série en raison qu'il y avait eu l'opération Tommy John. Et finalement, ben, on avait connu des insuccès. Là, on a vu, c'est le contraire. On est vraiment plus dans le moment présent. C'est pas grave si on hypothèque un peu plus les bras à long terme. On veut vraiment gagner maintenant. C'est peut-être ça qui va manquer du côté des Dodgers pour aller chercher la prochaine étape. OK. Gain Capper, congédié à Philadelphie, Marc, pas vraiment surprenant. Le propriétaire avait mis beaucoup d'argent. Il voulait faire un grand bout de chemin, puis ça n'a pas donné les résultats escomptés. Oui, mais je trouve quand même ça drôle qu'il demande aux... Imaginez-vous, là. Il dit publiquement qu'il va demander aux joueurs leur opinion avant de confirmer. Moi, j'ai trouvé ça assez ordinaire, merci. Même si j'étais un nouveau gérant, ça ne m'inciterait pas nécessairement à y aller. Mais bon, remarque, le prochain gérant des Phillies a toute une équipe devant lui, là. Tu sais, les Phillies ont vraiment une bonne équipe. Il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Mais je suis pas surpris. Kapler, dès son embauche, en fait, rappelez-vous, dès la première semaine lorsqu'il est arrivé, on doutait de lui, de ses nouvelles manières de faire. Ça n'a jamais fait l'unanimité, l'unanimité, évidemment, avec les partisans. Alors, écoute, moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment aller vers un gérant, un vétéran, un gars qui en a vu d'autres, qui a gagné ailleurs. Joe Madden? Madden est considéré. Je ne vois pas Madden avec les Phillies. Je vois plus un gars comme Joe Girardi, peut-être, ou des gars comme ça. Je pense que Madden, selon moi, c'est pas mal fait avec les Angels. Là, on le voit avec un processus, mais selon moi, ça va plus se régler en Californie à ce niveau-là. Mais écoute, je suis pas mal sûr qu'on va y aller comme ça. On a essayé la tentative du jeune gérant, de cette nouvelle mentalité. Ouais. Ça n'a clairement pas fonctionné. OK. Bruno, rapidement, un commentaire là-dessus. Est-ce que tu as un commentaire ou on va? Ben, en fait, je rejoins Marc pour le volet de Joe Madden parce que, dans le fond, je pense pas que ce soit un bon fit. À Philadelphie, c'était un gars comme Girardi, les hard-nosed players, là, souvent, ça, c'est des personnalités qui vont capter l'imaginaire là-bas. Puis c'est vraiment important parce que le noyau de l'équipe est bon, il y a des bons vétérans, il y a de l'argent aussi pour rajouter des joueurs, donc il y a des possibilités que l'équipe soit vraiment encore compétitive pendant les prochaines années. Fait que c'est pas nécessairement le temps de faire une expérience. Je pense que c'est le temps d'amener un gérant plus aguerri. Puis à ce moment-là, je serais pas surpris de voir un gros nom débarquer avec les Phillies, mais probablement pas Madden. OK. Marc, les futurs expos ont terminé leur saison hier. C'est la blague que je dis, les Rays de Tampa Bay, ils ont poussé les Astros jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'au cinquième match. Il y avait des foules de 32 000, il y avait des foules de 33 000. Est-ce que, puis là, on semble vouloir se réveiller à Tampa. Est-ce que tu es inquiète pour les Rays ou vraiment ça ne changera rien ce qui s'est passé cette semaine? Ça ne changera absolument rien. En fait, est-ce que ça va changer? Ça va peut-être réveiller un peu, je vais dire le côté politique municipal pour dire ben, peut-être qu'on va écouter un petit peu plus. Pour un nouveau stade, mais dites-vous bien une chose, et le propriétaire l'a dit, là, M. Sternberg, on ne veut plus jouer 81 matchs. On veut vraiment essayer, et puis il a insisté encore là-dessus cette semaine, lui il croit fermement que c'est la nouvelle manière de faire du sport professionnel aujourd'hui, en 2020, c'est d'avoir des vélisseurs. Il tient à ça. Donc, si on ouvre peut-être la possibilité là, de construire un nouveau stade, ça, je vous dis, ça changera absolument rien présentement. Même s'il y a eu des foules comme ça, personne n'a changé d'idée. Sternberg et son équipe, pour avoir parlé un peu à des gens proches de l'organisation, c'est clair que ça va vers un plan comme ça. Et pour l'instant, il ne peut pas parler vraiment à des gars comme Steven Bronfman parce que il rentre en conflit d'intérêt avec le fameux bail qui retient un peu les Rays avec le Tropicana Field. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette synergie en ce moment entre Bronfman et Sternberg. C'est que Sternberg est un peu pris par des bris de contrat à ce niveau-là. Mais ça change absolument rien ce qui s'est passé avec les foules lors de la série. Tu penses qu'il est sérieux, Marc? Moi, je pense que c'était une manière pour se faire dire non. Parce que moi, je vois pas. Écoute, juste cette semaine, là, il se passe quoi? Mettons que on est une ville sœur. Là. Les matchs sont-ils à Montréal ou à Tampa? C'est sûr que ça va faire vraiment. Non, mais Non, mais je te dis pas que je suis d'accord avec ça. Je te dis juste que lui croit à ça. Ouais, okay. Là, il est en train de monter un dossier qui va laisser, semble-t-il, là, que ça va faire écarquiller les yeux. Écoute, on a bien hâte de voir ce que ça peut donner. Mais oui, il y a tellement de questions sans réponse avec un scénario semblable. Mais écoute, moi j'aime la créativité. Les Rays, là, on a beau taper dessus, là, mais Je veux dire, tu regardes ce qu'on fait au niveau baseball, tu regardes ce qu'on fait au niveau organisationnel. Laissons Sternberg arriver avec un plan, voir si ça fait bien du sens. Moi, j'aime la créativité. À première vue, je crois pas que ça peut fonctionner. Mais je veux donner la chance quand même au coureur qui m'explique comment il voit ça, puis comment il y a une logique qui pourrait être instaurée dans un système de ça. Mais Bruno, comment tu vois ça? Ben écoute, un peu la même chose. Le seul élément pour moi, là, dans le fond, qui aurait peut-être pu faire changer les choses, c'est si les Rays auraient été jusqu'au bout. T'sais, si tu réussis à te rendre jusqu'au bout puis gagner la Série mondiale, tu peux peut-être créer un intérêt ou changer un peu la dynamique, mais ça aurait pris quelque chose justement d'assez extrême comme ça, puis c'était peu probable, là, malgré la bonne saison des Rays qui est jusqu'au bout. Fait que je rejoins beaucoup Marc, c'est pas un ou deux matchs avec de l'engouement, puis on l'a vu dans d'autres sports. Les exemples sont nombreux, là, des équipes qui étaient sur le bord. On n'a qu'à penser aux Nordiques dans les dernières années aussi. Quand c'était les séries, c'était plein au Colisée. On faisait des bouts de chemin, mais ultimement, quand c'était terminé, le volet business revenait rapidement sur le devant. Puis je pense à la même situation du côté de Tampa Bay. OK. Marc, t'as écrit sur le... J'ai lu ton papier sur le RDS.ca concernant les Nationals et les Cards. Tu y vas avec les Nationals pour aller jusqu'en Série mondiale? Ben oui, écoute, mes prédictions de début de saison, là, pour, je vous les partage. Je voyais les Yankees contre les Cards en Série mondiale. Ah, c'est bon, très bon. Parce que je me disais que Goldschmidt allait vraiment faire une différence. Il en a fait une, pas autant que j'aurais imaginé, mais bon, ça me fait bien paraître aujourd'hui, mais je prends pas pour les Cards nécessairement. Parce que, je trouve que, à part évidemment Goldschmidt et Ozuna, c'est très tranquille. Bon, peut-être qu'on a vu De Young se réveiller lors du dernier match. Mais je trouve que c'est une attaque très silencieuse. On a qu'à regarder les statistiques en saison régulière aussi. C'est une attaque très ordinaire qui va se présenter en série de championnat. Tout l'inverse qu'on voit du côté des Nationals avec Rendon et Soto. Tu sais, en fait, comparons Rendon et Soto avec Goldschmidt et Ozuna en ce moment. Même si Goldschmidt et Ozuna ont connu des bonnes séries jusqu'ici, moi, je préférais ce que je vois avec les Nationals. J'aime mieux les deux premiers frappeurs aussi à se rendre sur les buts. Puis, comme de fait, ben faut que tu traverses trois excellents lanceurs partants que tu n'as pas nécessairement du côté des Cards. C'est pas mauvais, c'est jeune, mais tu sais, je veux dire, faut que tu battes Scherzer, Strasburg et Corbin peut-être deux fois dans cette série-là. Je m'imagine un peu mal là, que les Cards vont venir. Mais Bruno, moi, je vais te dire une affaire. Ce qui me fait gros point d'interrogation sur les Nationals, c'est que la relève, ça n'a pas trop mal paru, là, mais ça reste que d'une série 4-7. Et ça, dans le passé, c'est la relève a prouvé que ça fait gagner des championnats. Puis du côté des Nationals, c'est très ordinaire. Là. Ben oui, mais en même temps, ils ont fait lancer à Washington, on décide de faire lancer les bullpen sessions, les simulations de matchs entre les départs, on les fait lancer dans les matchs. Puis ça, je pense qu'on va le revoir aussi dans cette série-là. On va travailler la faiblesse différemment, fait qu'on va vraiment exploiter au maximum les lanceurs partants. Je pense qu'un gars comme Strasburg, en plus, qui devient joueur autonome, c'est sûr qu'on va le voir lancer entre les départs, en relève. Donc, on va vraiment aller au maximum. Et à ce point-là, je donne vraiment l'avantage aux Nationals au niveau des lanceurs. Puis, dans le cas des Cards, c'est une équipe que j'aime beaucoup et que j'ai suivie depuis plusieurs années, ils sont un peu encore, on peut le dire, en reconstruction. Il y a un noyau intéressant, mais il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Puis c'est beaucoup le modèle d'organisation. C'est une équipe qui est bonne année par année. Sont toujours dans le coup, sont rarement de mauvaises saisons, mais depuis qu'ils ont gagné leur dernière série mondiale, il manque un peu de joueurs d'impact au sommet de leur forme. Là, il va falloir faire qu'un gars comme Adam Wainwright soit capable de bien lancer, puis ça a été difficile dans le passé, même s'il y a eu une bonne deuxième moitié de saison, c'est beaucoup demandé à un gars comme ça, mais malgré ça, puis malgré que j'aime bien le vibe qui entoure les Nationals, je vais prendre quand même les Cards pour remporter la série, l'avantage du terrain. Goldschmidt pourrait faire la différence. Yadier Molina est encore capable de frapper les gros coups. Ça va être une série hyper serrée. J'aime beaucoup Jake Flaherty comme lanceur partant. Donc, c'est très, très serré dans les deux équipes. Je pense que les points de marque sont bons, mais je penche pour Saint-Louis, ne serait-ce qu'un peu de partisanerie, puis en même temps, ne serait-ce que pour l'avantage du terrain, je donnerais peut-être avantage au Cards. Les Yankees contre les Astros de Houston maintenant. Marc, tu y vas. Écoute, les Astros, ça va être difficile. Je ne sais pas si tu vas y aller avec les Yankees, puisque c'était la prédiction de début de saison. Donc, mais les Astros, c'est une machine de baseball incroyable. Moi, je me suis arrangé pour bien paraître. Parce que j'avais dit Yankees, Cards, mais je prends pour les Astros et les Nationals. OK, par exemple. Non, Non, c'est, blague à part, c'est que je vois, écoute, évidemment, là, on parle des lanceurs des Astros contre l'attaque des Yankees. C'est deux approches très différentes. Et ce que je veux dire par là, c'est que on voit qu'on étire les sorties, évidemment, de Cole, de Verlander, probablement. Tandis qu'on voit déjà la tendance avec les Yankees, tu sais. Ce qu'Aaron Boone a fait depuis le début, c'est que ses lanceurs partants sont pas là longtemps. Même James Paxton a lancé 4 manches et 2/3, puis il lançait pas mal. Et ce qu'on sous-estime énormément, c'est que la relève des Astros a été meilleure que celle des Yankees en saison. Et ça, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle à la relève des Yankees, c'est la même n'importe qui, puis ça fait le travail. Mais il y a une domination là, du côté des Astros à ce niveau-là. Donc, faut faire attention. Moi, je pense que les Astros sont capables de venir à bout des Yankees. Évidemment, là, les Yankees connaissent une saison remarquable. Ils ont traversé les Twins du Minnesota. Donc, il y a une tendance à dire c'est leur saison, c'est leur année. Mais je pense que l'expérience acquise au cours des années, des deux dernières années, surtout des Astros, on l'a gagné il y a 2 ans, on l'a perdu l'année dernière en série de championnat. Il y a quelque chose là. Et là, je vois qu'un Correa semble en belle santé. On a vu des jeux spectaculaires à l'Areco. Brackman va jouer un rôle important. Altuve semble aussi en santé. Mais soudainement, on a l'équipe complète. On a l'équipe qui, selon moi, peut rivaliser n'importe comment avec les Yankees de New York. Donc, je vais favoriser les Astros à ce niveau-là, malgré que il y en a une série qui sera normalement à la limite en 7. Ça veut dire qu'on n'est pas trop sûr de notre choix. Ben, Bruno? Écoute, le point clé, puis Marc vient mettre le doigt dessus pour moi, c'est la santé. L'an passé, là, la grosse différence dans la série Red Sox, Astros en série de championnat, Altuve jouait sur une jambe, Correa a manqué des matchs. On voyait que les joueurs étaient pas là, puis là, c'est vraiment pas ça. On a vu Jose Altuve dans la série de division là qui avait la forme de MVP. Garrett Cole, puis je serais curieux d'entendre Marc là-dessus. Qu'est-ce qui a fait le virage? Comment, je sais pas exactement quel déclic a eu. On savait que Garrett Cole était un bon lanceur, mais au 22 mai, il avait une fiche de 4 et 5, une moyenne à plus que 4 points mérités par match. Depuis ce temps-là, 18-0 de fiche en 24 départs, 250 retro-bottants en 160 manches. Puis peut-être, Marc, je vais élaborer un peu là-dessus. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Cole qu'on a découvert dans les dernières années, puis le Cole qu'on voit cette année éclore comme étant le meilleur lanceur du baseball? La réponse est quand même assez facile. Et rappelez-vous, lorsque Verlander s'est retrouvé avec les Astros, on s'est dit, voyons, il a bien rajeuni, lui, avec tous ses retraits sur des prises. On a fait la même affaire, c'est qu'on a forcé Cole à utiliser cette fameuse glissante face au frappeur gaucher. Puis je m'explique rapidement, là, c'est que souvent un lanceur droitier, le tir qui va faire en sorte que tu vas achever un frappeur outre ta balle rapide explosive, c'est souvent un changement de vitesse. Alors Cole utilisait toujours son changement de vitesse, qui peut être très bon, mais si le changement de vitesse, le problème, c'est que si tu l'échappes, tu t'en payes le prix. Tandis que la fameuse glissante à l'intérieur, sur le frappeur gaucher, qui est fatigant parce qu'il a 2 prises, tu n'es pas capable de faire un bon contact, mais là, tu essaies de te défendre et tu te lances dans le vide. Ça a été la même chose avec Verlander. Et là, finalement, Garrett Cole a compris et l'a appliqué. C'est une des raisons. Il y en a sûrement d'autres, là, mais la principale raison, c'est que c'est la façon dont il attaque, évidemment, les frappeurs gauchers. Donc, cette fameuse glissante à l'intérieur, puis il revient avec la fameuse rapide juste un petit peu haute dans la zone, puis le tour est joué. Ça semble simpliste, mais c'est vraiment ça qui a fait en sorte que soudainement il est devenu un lanceur de 4 tirs de qualité parce qu'il y a toujours ce fameux changement de vitesse-là derrière la tête. Eh bien. Donc, Bruno, tu y vas avec les Yankees ou les Astros dans l'autre série? Ben, j'y vais avec les Astros aussi. En 2017, je pense que les deux équipes sont nettement meilleures qu'ils étaient il y a 2 ans. Mmh. On devrait avoir. Je regardais les 15-20 dernières années, c'est probablement la meilleure série de championnat depuis les fameuses séries Yankees-Red Sox 2003-2004. C'est sûrement, sur papier du moins, là, les deux meilleures équipes qui se sont présentées la même année en série de championnat de l'Américaine. Puis les Astros, ils ont choisi pour gagner pour la série et éventuellement la série mondiale. Puis si c'est le cas, puis quand on regarde un peu aussi les performances, on a parlé de Cole, mais tous les joueurs qui sont dans cette équipe-là, la relève, Marc en a fait mention. On est en train probablement de regarder depuis 10, 15, 20 ans, peut-être la meilleure équipe qui est passée sur un terrain de baseball. C'est franchement impressionnant ce qu'on a vu. Ah. Les Rays les ont emmenés à la limite, puis je pense que c'est le déclic qu'ils avaient besoin. Des fois, dans les séries, on dit t'as besoin d'être testé. On voit ça souvent dans le sport professionnel. Le match que tu dois aller chercher, ben je pense qu'ils ont été le chercher hier. Je vois plus personne les arrêter puis les arrêter jusqu'au bout. Hey Marc, moi, c'est une petite question que je veux te poser. Je voudrais que tu simplifierais. Quand on dit « war », la statistique ouais. WAR, c'est quoi hein, le plus simple possible? Comme, c'est quoi le WAR? Ben, la WAR, là, c'est que c'est win above replacement, OK? C'est, okay. Bon, c'est une statistique vraiment qui tient compte de tout, OK? Ça tient compte dans le stade dans lequel tu joues, ça tient compte de, bon, évidemment, le paquet de facteurs, là, le type de lanceur que tu affrontes, et tout, on inclut tout dans ça, et c'est comme si on te remplace par un joueur de niveau 3A, par exemple, et quelle serait donc la valeur, quelle la valeur ajoutée que tu amènes à l'équipe. Ouais, j'essaie de rendre ça le plus simple possible, ouais. Là, c'est pas facile, là, mais donc c'est comme c'est une valeur qu'on donne à un joueur, on considère tout, là, et dans son rendement, si on mettait un joueur très ordinaire, là, en deçà de la moyenne, par exemple, là, ben, quelle serait la valeur? Fait que si ton WAR est à zéro, c'est pas une bonne nouvelle. Okay. Si t'es dans les moins, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas bon dans tes négociations de contrat. Mais plus, évidemment, t'as un WAR élevé, ben là, tu comprendras que là, ta valeur augmente parce que t'apportes vraiment à l'équipe une valeur qui est calculée ainsi. Ça va avec les statistiques avancées, c'est tout ça. Là. Ça a tout un lien avec les statistiques avancées. Écoute, c'est un calcul très, très, très... C'est pas évident, là. C'est pas évident, okay. Mais il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent parce que ça fait ses preuves, semble-t-il. Moi, je ne l'haïs pas parce que, encore une fois, beaucoup l'utilisent. Ça va faire son temps, puis à un moment donné, on va réaliser qu'effectivement, ça évalue de façon assez précise la valeur du joueur. Ton collègue Alain Huzereau doit aimer ça, parce que c'est un gars qui est très fort en mathématiques, il doit aimer ça, cette statistique-là. Ouais, écoute, c'est clair, mais tu sais, moi, là, j'adore les statistiques avancées, je pense que s'il y a un sport qui peut les avoir, c'est bien le baseball, ouais. Mais ça reste que ça se joue sur le terrain, puis l'exemple des Dodgers était dans flagrant de dire qu'il faut que tu gères le match et non gères ce que le papier te dit, même s'il y a une logique derrière ça. Ça reste des humains qui jouent, puis des humains qui jouent, ben ça peut changer, okay. Ça peut changer bien des choses. Ben messieurs, très intéressant. Bruno, on s'en reparle la semaine prochaine. On va faire la table ronde avec Jacques la semaine prochaine, si tu permets. Fait que nous, et Marc, on se rappelle bientôt. Ben absolument. Salut à Bruno. Marc Griffin et Bruno Boudreau qui ont parlé des séries de championnat. Merci, messieurs.